On peut tous finir l'arme dans les viscères ou partir à l'asile pour un progrès d'hémisphère. Dans la folie, nous guette, c'est pas joli, mais c'est vrai, mais c'est concret. Un jour, mes démons viendront tenter. Je le sais depuis que mon padre a lâché et tenté. Depuis que j'ai goûté au psychédélique, j'ai même déjà lancé mon psychédélique. Pourquoi l'écouter avant de me dire, mais toi, t'es trompé. C'est ton fruit, tu vois, même t'es dérouté. T'es à l'ouest, loin. Solitaire pour un cowboy sans les vaches, un agriculteur solitaire, les terres amères sans les cieux et les arpaches. Pas de rage, du côté obscur de la force, pas assuré de passer pour le monde de la face à cause de la femme. Raffine, j'ai vécu des trucs paranormaux, la paranoïa dans le cerveau, mais je n'ai plus peur de la mort. Je l'ai dompté et compté les secondes à l'approche du sort. La vie c'est fort, mais y'a rien de l'autre côté. Ça fait flipper plus d'équipe et tout. Le type voudrait tes tripes, c'est le kit complet. Made in France, peur de la peur pour la peur, par la peur de la mort. Alors qu'au final on y passe tous. Et je n'ai plus peur. Les secondes à l'approche du sol. La vie c'est fort, mais y'a rien de l'autre côté. Tu veux appuyer, te faire péter la tête, qu'on ne t'oublie pas, laisser une trace de courage sur la moquette. Mais arrête, souffre, réfléchis, t'as rien fait de mal, toi pourquoi serais-tu puni? Pour libérer un taf, au prix d'une vie, j'y avais pas pensé, merci France Télécom, merci. Merci pour tout, merci patron. Merci pour tout. Merci. Lâcher les miens, même si c'est pas baiser. Même dans le café au lit, je deviens violent. Moi qui étais un type plutôt calme, je deviens comme un psychominable. Faut que je me ça me fait toujours un peu. J'ai pas de tune, plus de meuf et pas vraiment de moi. De flouze, c'est tout qu'on consomme. Si ça c'est pas la loose, vas-y boycott. C'est ça que t'as usé, c'est un plan plein de tes pieds. Que tu vas user, manger les meilleures idées. Je vais pas la répéter, c'est plus radical. Faut faire péter le siège social. Le siège social. Tu fais une bêtise dans sa son efficacité. T'es dans le séguise, mais tu ne sais pas comment l'appeler. Un siège social de multinational. Thank you. De sociabilité, je me vois éclater à coups de batte, déjà tranquillement rien que je me vois les savants. Ça fait longtemps que ça dure au collège, mon prof de maths, je le voyais au fond des ordures, ma prudence est tentée, ça vaut mieux pour tes dents, fais gaffe quand même. Nous faisons déjà casser des tympans, essaye de me berner, et je te montrerai mon talent, tes oreilles sont cernées, t'entends déjà le son qui détend comme une babyface. Je me suis déguisé en tremplin. Hier, t'as croisé un chip sympa. Aujourd'hui ta famille est en guerre, un mort combat. Quand ton titi m'a raqué, ne me pousse pas. Où j'ai tenté sous une dune, le temps m'a rendu un peu les rangs. À force de passer, il a repassé mes sentiments lessivés. D'esquiver tous les temps, mais c'est ce qui fait que c'est l'air de l'affrontement marchant de tout sourire. On a fait péter ma boutique le temps de reconstruire petit changement de ma vie quelque temps. C'est du sang, foutre de mon biquet tantôt. Tu peux tester, mais tu t'entends. Moi aussi, je suis assez fou pour vouloir tuer. Je n'ai jamais essayé de peur de prendre de mais tu es fou. Qu'est-ce que tu fous avec cette couille? Tu veux faire un trou dans mon zombie ou dans mon torse en dessous, range ta lame. Tu fais du mal à ton âme, tu te coupes dans la douceur. Tu n'es qu'un âme, prépare une canne, t'en auras besoin. Et si tu prends la force, tu peux pas vendre, arrive à ton madame. Mais là, quand tu peux pas vendre, arrive à ton madame. We'll be right back.